Oui, salut Blockbuster. Merci beaucoup pour l'émission sur Avatar, un film que j'aime énormément. Et puis quand même, qui m'aura réconcilié avec Franck Dubosc, qui a quand même joué là son meilleur rôle. Un peu un contre-emploi, certes, hein. C'est rare de le voir en méchant. Il a pris 20 kilos de muscle pour le rôle, mais chapeau l'artiste. Voilà. Merci pour tout, et puis à bientôt. Ciao, ciao. Ouais, moi, j'ai vu La Légende de Korra et Le Dernier Maître de l'Air. J'ai adoré. Mon personnage préféré, c'est Aang, quand même. Voilà. Et ben, au revoir. Salut Frédéric, moi j'ai pas compris l'émission d'hier, t'as passé Earth, Wind & Fire, mais pas Roger Waters. On aurait pu faire une chouette playlist. En tout cas, merci pour tes émissions, ça rajoute encore une chose à la liste de ce qu'il faut voir cet été. Continuez l'été avec nous, bonne journée. Bonjour, bon éclair, Michel, moi, je voulais que t'es dans le câble et t'es dans... Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai eu 10 ans, le 16 juillet, donc vous pouvez me souhaiter un bon anniversaire si jamais je passe. J'ai appris que vous parliez de Toy Story. Bah, j'adore ce dessin animé. C'est un des rares dessins animés Disney que j'aime bien. Donc j'aimerais bien passer, je trouve ça trop cool. Prenez-moi, je vous en supplie. Bisous! Vers l'infini et au-delà! To be or not to be, not to be. Je me demande à partir de quand je n'ai plus su m'ennuyer. Une minute d'inactivité et je me sens déjà mal, comme si j'étais coincé dans un ascenseur avec quelqu'un de particulièrement antipathique, sauf que ce mec avec une sale tronche, c'est moi. Je commence à chercher mon téléphone nerveusement pour me réfugier sur Twitter ou Instagram pour lire des commentaires de gens que je connais pas, qui me parlent de trucs que je ne connais pas et surtout qui m'intéressent pas. En général, je lève la tête 35 minutes, se sont écoulées, et je ressors de là énervé après la terre entière avec la furieuse envie de prendre une douche pour me laver des âneries que je viens de lire. Ma fille, un jouet quelconque, une figurine de lion ou de cheval, des fois même un Tupperware tout bête, et ces 3 heures d'aventure qui feraient passer la trilogie du Seigneur des Anneaux pour un épisode de Camping Paradis. Regarder un enfant jouer, c'est regarder un artiste total. Réalisatrice, actrice, monteuse, compositrice de musique de film, ma fille, elle fait tout. Les histoires de ma fille sont tellement barrées, elle regarderait Titane, la palme d'or à Cannes, elle trouverait ça plan-plan. Tu sais papa, par rapport à mon histoire de Ladybug va se marier avec une tasse à café sale, je la trouve très conventionnelle cette Julia Ducournau. En fait, les enfants ont réussi à domestiquer l'ennui. Nous les adultes, l'ennui, on tente de l'étouffer sous les applications, les plateformes de streaming, les podcasts. On demande sans cesse du temps pour nous, mais quand on en a finalement, on ne sait pas vraiment quoi en faire. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Buzz l'éclair à Star Command. Est-ce que vous me recevez? Star Command, répondez. Est-ce que vous me recevez? John Lasseter was interested in... Au départ, John Lasseter avait envie de réaliser un film spécial pour Noël, pour la télévision. Il voulait que ça tourne autour de jouets un matin de Noël, parmi lesquels il y avait cet homme orchestre. Et puis, finalement, il en a fait un court-métrage. Ça s'appelait Tin Toy. Et puis, il voulait reprendre Tin Toy et en faire un téléfilm spécial d'une demi-heure. Et finalement, en chemin, il a décidé de développer l'idée et de l'appliquer non plus à un jouet, mais à tous les jouets qu'il avait lorsqu'il était enfant. Les cow-boys, les marionnettes de ventriloques et toutes les choses comme ça. Journal de bord, Buzz l'éclair, année 4072. Mon astronef a quitté la trajectoire du secteur 9. Je me suis écrasé sur une étrange planète. L'impact a mis fin à mon hypersomnolence. Le sol semble pour le moins instable. Impossible de savoir si l'air est respirable et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue. Coucou! Si les studios d'animation Pixar sont depuis plusieurs années devenus des fournisseurs de blockbusters émotionnels qui peuvent vous émouvoir comme personne, je pense à Vice Versa, Coco, Wall-E ou encore plus proche de nous en avant, il ne faut pas oublier que tout a commencé avec Toy Story. Sur une idée simple que font les jouets quand les enfants ne sont pas là, Pixar a développé sur 4 films une réflexion sur le temps qui passe, la retraite et même une certaine idée du travail en entreprise. Tout cela avec des jouets en plastique. Pour revenir sur cette prouesse technologique qui ne prend jamais le pas sur l'histoire, j'ai à mes côtés Johan Sardet et Vincent Garnier. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes respectivement rédacteur en chef et directeur éditorial du site Allociné. On vous connaît plus sous le nom de Michel et Michel, spécialiste des techniques du cinéma et des séries dans Four Accords. Gaffe, erreur, raté, rien ne vous échappe et à chaque fois c'est du très très lourd. C'est très bien résumé, je dirais pas mieux. Pas mieux. Avec nous, et les auditeurs connaissent sa voix, Redouane Tella, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à France Inter, vous êtes rédacteur en chef de l'Instorem et un inconditionnel des films Pixar. Ah bah, inconditionnel, ouais, c'est le mot. Et puis de Toy Story, surtout, c'est vraiment le film de mon enfance. Avec nous, de nouveau, et on est ravis de la retrouver, Julie Le Baron, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, on vous lit dans Rockyrama et Canard PC, et on vous écoute dans Silence on joue, le podcast du journal Libération consacré aux jeux vidéo. C'est ça. Ensemble, on va revenir sur l'heureux exploit que fut Toy Story 1. Comment ce film a-t-il pu voir le jour? On parlera des différents créateurs de cet univers. On parlera des suites et de ce qu'elles ont signifié pour Pixar et pour les spectateurs. En quoi ces films qui mettent en scène des jouets en disent finalement bien plus sur nous et notre rapport au temps? Bref, pendant un peu moins d'une heure, on va vers l'infini et au-delà! Je peux voler. Non, tu peux pas. Si. Je peux. Tu peux pas. Si. Non, non, non! Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord, monsieur le rongeur d'espace. Prouve-le. Sur le champ, mon ami. Vers l'infini et au-delà! J'ai trouvé mon compagnon de route. Merci beaucoup, je suis très touché, très touché. Je n'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Tu dois séduire toutes les poupées du coin et tu m'apprendras. Oh, dans un petit bigoudi. Oh, tais-toi, je t'en prie. Julie Le Baron, Toy Story, ça raconte quoi? Toy Story, en gros, c'est comme son nom l'indique, donc c'est une histoire de jouets où les jouets ont sont secrètement vivants et mènent leur vie où ils s'interrogent sur leurs conditions de jouets notamment et qui appartiennent tous à un enfant qui s'appelle Andy, qui donc on va voir grandir en fait à travers la saga. Et c'est une franchise donc de 4 films sortis entre 95 et 2019 qui traitent tous plus ou moins du passage à l'âge adulte. Et alors, est-ce que ça a été une évidence initiale de réaliser un film sur des jouets, en plus en animation 3D comme ça, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose de novateur pour l'époque? Bah, comme ça l'a été dit tout à l'heure, l'idée de faire quelque chose avec les jouets, c'est venu du court-métrage de Pixar qui est sorti en 88 qui s'appelle Teen Toy. Et c'était justement le moment où donc Disney a directement approché Pixar en leur disant on aimerait avoir une histoire racontée du point de vue des jouets. Et c'est intéressant parce que finalement le sujet des jouets, il a été placé pour plusieurs raisons. Il y avait aussi notamment des raisons de contraintes techniques, parce que c'était très très difficile d'animer donc des visages humains. D'ailleurs, ça a été le cas dans Teen Toy. En fait, apparemment, les premiers essais d'animer le bébé, qui constitue l'ennemi du film, c'était assez compliqué. Le bébé avait une tête de quarantenaire extrêmement flippant. Et au final, sa peau ressemble un peu à du plastique, quoi. Et d'ailleurs, même dans le premier Toy Story, on le voit, les enfants Sid et Sid, ils sont très moches, très mal animés en réalité. Même Andy. Alors que Andy est très mal fait dans le premier Toy Story. Alors que quand on imagine l'animation d'un jouet, puisque par essence un jouet n'est pas censé s'animer, on part d'une feuille blanche. Donc du coup, on n'a pas de rapport au réel, on peut se permettre d'inventer, de créer, d'imaginer. Et c'est ce qu'ont fait les créateurs de Toy Story avec ces jouets qui tout d'un coup prenaient vie. Et donc ça nous paraissait réel parce que la 3D, l'image de synthèse a été intégrée dans ce long métrage. C'est la première fois qu'un film de long métrage a été fait en image de synthèse. Je sais pas si ça a été dit jusque-là, mais c'est quand même une vraie prouesse. Oui, il y avait une véritable envie de Disney à l'époque d'expérimenter sur d'autres manières de raconter les histoires. Il y avait eu un peu avant la production de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Bien sûr. Et c'est vraiment la première fois qu'on a un film en 3D. Et les films en image de synthèse ont fait école. Et pour cela, il fallait avoir des petits personnages qui ne pouvaient pas s'animer en réalité parce qu'on n'était pas encore à un stade aussi avancé qu'on ne l'est aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, Luca est superbement bien animé, c'est un petit garçon, et là, pour le coup, on voit pas la différence, alors que dans Toy Story, il fallait bien partir d'une feuille blanche. Et d'ailleurs, les films qui ont suivi Toy Story en images de synthèse, c'était des films où on prenait le monde des insectes, parce que aussi, pareillement, les insectes ne pouvaient pas. Ou les voitures. On les voit, ou des voitures ensuite, beaucoup plus tard. Mais que ce soit DreamWorks ou Pixar, se sont basés sur des univers d'insectes, parce que, de fait, l'infiniment petit, on ne le voit pas bouger, on ne le voit pas s'animer, donc on n'a pas de rapport au réel. Johan Sardet et Vincent Garnier, que représente l'arrivée de Pixar pour Disney? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est habitué à avoir des films magnifiques qui sortent tous les ans issus des studios Pixar, mais initialement c'était pas une sorte inéluctable que Pixar soit un gros carton à chaque fois qu'ils sortent. Non, sachant que si on remonte à l'origine, Pixar en fait c'est des fabricants de logiciels. C'est-à-dire qu'au départ ils appartenaient à George Lucas, ils ont été rachetés par Steve Jobs, après c'était un pari risqué d'ailleurs. C'était un pari risqué, et surtout la partie, on va dire, scénaristique de Pixar. John Lasseter disait à l'époque, en fait, on représentait 100% de la visibilité de la société, alors qu'en fait, on était 1% des employés. C'est-à-dire que eux, leur travail, c'était de dire voilà ce qu'on peut faire avec nos logiciels. Et petit à petit, avec les ventes de logiciels qui décollaient pas, et avec des questions, Steve Jobs se demandait s'il allait revendre Pixar ou pas, ils se sont dit, en fait, on va mettre le paquet sur le fait de mettre l'histoire en avant. Et ça a toujours été la force de Pixar, et je pense que c'est ça qu'ils ont amené à Disney, c'est que c'est des magiciens de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils utilisent la technologie pour la mettre au service d'une histoire, et une histoire avant tout. Et leur credo a toujours été « less is more ». C'est-à-dire qu'ils enlèvent tout ce qu'ils peuvent pour aller à la simplicité maximale. Et la simplicité, elle est ultra profonde. D'ailleurs, le scénario de Toy Story 1 n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu tout un tas de réécritures, et il y a même eu des moments où Disney a carrément dit à Pixar « Là, votre film, il est tout pourri, on n'en veut pas, il faut retravailler. » Oui, tout à fait. Je te laisse parler, Vincent. La genèse du projet, ça a duré pendant 4 ans, je crois, et il y a eu donc une itération avec une évolution en particulier du personnage de Woody qui était détestable dans les premières versions, qui a été une petite ordure au départ effectivement, et qui est devenu à mesure des différentes versions un cowboy très très sympathique, mais au début de Toy Story 1, il n'est pas très très sympathique. Il n'est pas très très avenant avec le personnage de Buzz. Voilà. Il devait être encore pire. Même dans son allure, il devait ressembler plutôt à une poupée de ventriloque, ce qui aurait été excessivement flippant, et ça aurait été plus difficile, je pense, de s'attacher à lui, quoi. Oui, c'est sûr, mais de toute façon, on ne peut pas s'attacher aux poupées de ventriloque, ça fait peur, ce machin-là. Il y a quelque chose d'inhumain là-dedans. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez, qu'est-ce que Pixar a apporté à Disney? Moi, je me souviens, j'avais 15 ans quand il est sorti, c'est qu'en fait, normalement à 15 ans, on ne va plus voir les dessins animés. Et d'un coup, en fait, quand il y avait un Pixar, on n'avait pas honte d'aller au cinéma, c'est-à-dire que ça s'adressait aux petits, comme aux ados, comme aux adultes. Et moi, je me souviens de Toy Story 2, je suis allé le voir, je me cachais pas pour acheter ma place de cinéma, et ils ont réussi à insuffler ces différents niveaux de lecture dans tous leurs films. Et en fait, la plupart du temps, moi, quand je regarde un Pixar, je me dis, effectivement, c'est un film d'animation, mais en fait, si on met l'animation de côté, c'est un film avant tout. L'animation n'est qu'un moyen de raconter cette histoire, et c'est ça la force de Pixar. Et puis Pixar a sauvé Disney, il faut le dire quand même, parce que on sortait du début des années 90 avec tout un tas de grands succès chez Disney, Aladdin, Le Roi Lion, etc. Et puis ensuite, la fin des années 90 et le début des années 2000 a été catastrophique, et les seules créations Disney qui sortaient du lot étaient les créations Disney-Pixar. Oui, c'est l'époque de la planète des trésors, Atlantide, etc. Entre autres, d'ailleurs, il y a des films qui sont très bien dans tous ces films, mais qui n'ont vraiment pas marché. Et pour le coup, Pixar a réussi à porter encore une fois l'image Disney très haut, parce que ces films ont été quasi tous des succès. Et justement, Redouane, vous avez la parole, gardez-la. Je sais que vous êtes assez pointu en matière de fiction, hein, on en parle souvent dans les couloirs de France Inter. Et donc, qu'est-ce qui vous a tout de suite plu dans Toy Story 1 et dans le style Pixar? Ça raconte l'humain comme personne. C'est dans le premier Pixar, il y a quand même dans le premier Toy Story, il y a quand même une scène fantastique où Buzz l'éclair, donc qui est un jouet, un ranger de l'espace, prend conscience qu'il est un jouet. c'est des questions éminemment philosophiques qui ponctuent toute la saga Toy Story. Dans le premier, c'est ça, et dans le troisième, dans le quatrième, pardonnez-moi, le dernier qui est sorti en 2019, il y a quand même cette question folle qui est, après avoir été un jouet pour les autres toute notre vie, peut-on être un jouet pour soi-même ? Peut-on exister pour nous-mêmes ? Et ça, pour le coup, c'est des questions qu'on se pose tous. Alors, ça s'adresse bien évidemment aux enfants, et on le sent, il y a d'abord cette première lecture, mais il y a aussi cette double lecture si propre à Pixar, qui peut s'adresser aux adultes. Les films s'adressent aux adultes, parce qu'ils racontent tant de choses de ce qui nous constitue. Alors aujourd'hui, on évoque la franchise Toy Story des studios Pixar et on écoute la chanson-titre de Toy Story 1, ah. You've Got a Friend in Me, qui a été chantée par Charlie Couture dans sa version française, et là, c'est Randy Newman. Aujourd'hui à la technique, je tiens à remercier Jérémy Kaufmann et au mixage, Raphaël Rousseau. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Now some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. Randy Newman, You've Got a Friend in Me dans Blockbuster sur France Inter. Selon mon info navigateur. Non, la ferme ! Ton crétin, ferme-la ! Shérif, c'est pas le moment de paniquer. C'est l'occasion rêvée pour paniquer. Je suis perdu. Andy a disparu. Il déménage dans deux jours et tout ça, c'est ta faute. Ma faute ? Si tu ne m'avais pas fait tomber par la fenêtre. Ah, oui, c'est toi qui as débarqué dans ton stupide vaisseau spatial en carton et qui m'a volé tout ce qui était important pour ne moi. Ne parle pas de ce qui est important. À cause de toi, la sécurité de l'univers est menacée. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Là-haut, tapis aux confins de la galaxie, l'empereur Zurg a secrètement mis au point une arme capable d'annihiler une planète tout entière. Et moi seul détiens l'information qui pourrait vous permettre à tous de survivre. Mais toi, mon ami, tu es sur le point de me faire rater mon rendez-vous avec Star Command. Tu n'es qu'un jouet ! Tu n'es pas le vrai Buzz l'éclair, tu es un pantin articulé ! Tu n'es qu'un jouet en plastique ! Quel curieux personnage, vraiment déprimant. Ouais, tu me fais pitié. Bonne route ! C'est ça, ouais, bon débarras, pauvre andouille. C'était un extrait de Toy Story 1 en version française et vous avez pu reconnaître les voix de Richard Darbois qui double Buzz l'éclair. Richard Darbois, voilà, c'est cette voix qui a quasiment tout doublé, Batman, le génie d'Aladin, et Jean-Philippe Puymartin qui double Woody, qui est le doubleur officiel de Tom Hanks. Julie Le Baron, justement, dans cette empathie que le spectateur peut avoir avec les personnages de Toy Story, qui quand même est assez paradoxal parce qu'on a affaire à des jouets. Est-ce que justement le doublage, qu'elle soit en VF ou en VO, parce que en VO c'est Tom Hanks et Tim Allen qui s'y collent, est-ce que c'est pas ça qui joue aussi qui est déterminant? Ah, je pense que ça joue énormément parce que vraiment toute l'idée derrière Toy Story, c'est de redonner à des jouets donc qui sont fabriqués en masse une certaine individualité, une certaine identité. Et effectivement, le fait de les voir incarnés de manière aussi, enfin par des personnes aussi talentueuses. Enfin, c'est vrai qu'en réécoutant les extraits, je me rends compte à quel point les dialogues, mais même les intonations restent quoi. Et je pense que ça joue bien sûr énormément pour susciter de l'empathie chez les spectateurs. Yoann Sardet, en préparant cette émission, j'ai réalisé que, en plus, même les animateurs et les concepteurs de Toy Story avaient décidé de déterminer la psychologie des personnages en fonction du corps des jouets. Par exemple, Zigzag, qui était donc une sorte de teckel avec un énorme élastique au centre à ressort. Comme il est toujours obligé d'avoir de l'aide pour se déplacer, parce qu'il y a plein d'endroits où il ne peut pas, parce que son arrière-train est souvent très très loin derrière lui. Et ben, du coup, il manque de confiance en lui. Rex, le tyrannosaure qui est très raide et qui a des toutes petites pattes, et ben en fait tout ça a créé une sorte de névrose. Et par contre le cochon qui lui est cochon tirelire est mis en hauteur dans la chambre et a cet aspect de supériorité vis-à-vis des autres parce que ben, je suis celui qui surplombe la chambre, celui dans lequel on met des pièces, donc j'ai un statut un petit peu de sage qui me permet de dire comment faut faire les choses. C'est des trucs auxquels on pense même pas quand on est spectateur et mais qu'on ressent quand même. Exactement, c'est toute la force de Pixar, c'est justement d'aller dans ces détails invisibles, c'est-à-dire que voilà tout le sens que prend l'image et la mise en scène ou ici le character design et en fait c'est vraiment leur force. Et effectivement ils ont créé cette espèce de petite bande où tout le monde se complète, tout le monde a sa place, après chacun a son préféré dans tout ça. Et ils ont aussi cette force de savoir animer l'inanimé, c'est-à-dire que avant même Tintoy, il y avait eu ce qui est devenu leur logo, hein, Luxo Junior, la lampe, la petite lampe qui sautille sur lui. Et en fait, jamais quand on voit ce court-métrage ou même ce logo, on se dit c'est une lampe. En fait, on se dit c'est un petit personnage qui sautille. Et en fait, ils ont cette force de donner la vie là où elle n'existe pas, et donc ça passe par l'animation, par la manière de concevoir les personnages, par les voix, et ils sont, enfin c'est un peu galvaudé de dire Pixar, ce sont des génies, mais ce sont des génies. Benjamin Ducis s'attendait, en croisant des fans de Toy Story dans les rues, à discuter de jouets vivants et de souvenirs d'enfance. Il s'attendait beaucoup moins aux angoisses existentielles que la saga a pu déclencher chez certains spectateurs. La saga Toy Story fait partie des souvenirs de quasiment tout le monde. Ce qui ressort en premier quand on en parle, c'est déjà le concept des jouets qui s'animent. Le fait d'avoir un cow-boy comme ça vivant, même d'avoir les jouets vivants, alors que même moi, je m'imaginais que mes jouets allaient prendre vie aussi. Ouais, c'était un rêve de gosse, donc forcément, c'était toujours un moment agréable quand je regardais Toy Story. Après le film, moi, je suis allé direct dans ma chambre voir si mes jouets bougeaient pas, hein. Ça, c'est sûr. Bah quoi, on peut rêver, non ? Le rêve revient beaucoup dans les conversations sur Toy Story. Et avec son quart de siècle d'existence, les enfants des années 90 sont parfois des parents qui partagent aujourd'hui l'expérience avec leurs enfants des années 2020. Moi, là où je suis content, c'est que j'ai pu le faire visionner à ma fille. Donc moi, j'ai regardé Étant Petit, ma fille a regardé le 3 Étant Petite. C'est vrai que c'est une belle histoire. Et puis Pixar, c'est vrai, ils ont révolutionné un peu le concept du dessin animé. Ces gars sont des professionnels, ce sont les meilleurs. Mais si les Toy Story sont synonymes de rêve, ce sont aussi la source de grands traumas pour pas mal de monde. Et ce qui est amusant, c'est que chacun a vraiment sa propre lecture traumatique. Tu t'es fait peur ? Non, sincèrement ! Beaucoup de rêves et énormément de traumas dus au voisin de Andy, qui était assez tyrannique avec ses jouets. Sid, c'est lui. Quoi, cet enfant joyeux ? Ce n'est pas un enfant joyeux ! Il torture les jouets ! Rien que par plaisir ! Sid, quel salaud ! Quel salaud ! Mais au-delà de Sid, ouais, l'immensité du monde. Ah oui, l'immensité du monde, carrément. Ouais, l'immensité du monde, même quand Buzz et Woody se retrouvent à devoir retrouver Andy tout seul, on se dit, en tant qu'enfant, on se dit, mais comment moi je vais faire dans le monde adulte ? Mais au final, ça se passe bien. Ça se passe bien, oui. Enfin, comment dire ? J'ai une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle ! Disons que pour la plupart des gens, ça se passe bien. Et même quand ça se passe pas aussi bien qu'on le voudrait, il reste toujours des films comme Toy Story pour se remonter le moral. J'aime encore, mais des fois, je regarde. Même à mon âge, je regarde encore. Vincent Garnier. Oui. Le fait que toute l'action de Toy Story se passe dans une chambre d'enfant, dans un microcosme contenu comme ça, permet aussi de dire énormément de choses sur la société en général. Parce que c'est vrai qu'eux, ils parlent à hauteur de jouets. Dans l'arrivée de Buzz l'éclair, Woody réagit vraiment comme une sorte d'employé du mois qui, tout d'un coup, voit surgir un jeune cadre dynamique, plus doué, plus fort que lui. Et donc, on est aussi un petit peu dans une toute profonde regarder, mais dans une sorte de critique d'un milieu professionnel dans lequel il y a du sang neuf. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le faire tomber dans les escaliers? Oui, c'est un petit peu ça. C'est un univers monde où chacun a sa place et évidemment un nouveau venu est vu comme une espèce d'intrus, un ennemi dont il va falloir se débarrasser assez rapidement. C'est le cas de Buzz au départ, évidemment, parce qu'il y a en fait un conflit entre le jouet préféré d'Andy, c'est-à-dire Woody, historiquement, et un nouveau un impétrant, quoi, celui qui veut prendre la place, effectivement. Donc le parallèle avec le monde de l'entreprise est assez juste, et même avec le monde en règle générale. De toute façon, c'est effectivement une métaphore de la société. Oui. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas ce que Woody apprend sur les quatre films, c'est-à-dire qu'au début, il n'est défini que par sa condition de jouet qui doit donc être au service et faire plaisir à Andy. Dans le deuxième, il comprend son statut d'objet de collection, et en filigrane, ça pose des questions pour des gens comme moi, c'est-à-dire des geeks de 43 ans qui ont des figurines sous blister, qui n'y touchent pas, qui ne jouent plus avec, mais qui ont besoin d'avoir des jouets. Donc, est-ce que ces jouets-là, qu'est-ce qu'ils diraient sur ma chambre ou sur moi? Je préfère ne pas le savoir. Et dans le 3, il y a cette idée de retraite. Qu'est-ce qu'on fait après le travail? Et le 4, ça serait, est-ce que j'ai une vie en dehors de tout ça? Est-ce que j'ai le droit d'avoir une vie en dehors de... Est-ce que c'est pas le parcours de Woody, finalement, sur... C'est exactement ça, oui. C'est exactement ça. C'est l'histoire d'une émancipation, en fait. L'histoire de Toy Story, au-delà d'un parcours initiatique, etc. C'est vraiment l'histoire d'une émancipation d'un jouet qui avait une fonction et qui le définissait. Et qui devient un être à part entière. Mmh. Et puis si on a pris un cow-boy et un ranger de l'espace, c'est bien justement pour que tous les Américains puissent s'identifier à ces personnages, et donc du coup en réalité, que ce soit Woody ou Buzz, c'est des faces de l'Américain typique, l'Américain moyen, et donc du coup ce parallèle avec le monde de l'entreprise marche assez bien, et puis ce parallèle avec la société tout court, parce que ne serait-ce que visuellement dans cette chambre d'enfant, chacun a sa place, il y a des jouets qui sont dans le coffre à jouets, ça ce sont les jouets, on va dire, de la classe moyenne, voilà, des jouets. Ils sont chemin vers le grenier. Il y a les jouets qui sont au grenier, et là pour le coup c'est vraiment les déclassés, même les jouets qui traînent un peu derrière la porte, sous les meubles, etc. Plein de poussière. Et puis il y a le jouet ultime qui a sa place sur le lit, et là pour le coup c'est la bourgeoisie, c'est Woody, c'est Buzz l'éclair, tous les jouets n'ont pas accès au lit d'enfant. Et Redouane, je sais que Buzz l'éclair a une place particulière dans votre cœur. C'est un modèle, un guide. Mais en fait, Buzz l'éclair, à l'échelle des films d'animation, c'est un petit peu Néo dans la Matrice. C'est-à-dire que quand il se voit comme ça dans ce rayon rempli de Buzz l'éclair et qu'il voit tous ces autres Buzz l'éclair qui, comme lui, sont toujours dans leur programmation d'origine, c'est-à-dire je suis un ranger de l'espace. Parce que la vraie distinction avec Buzz l'éclair, c'est que lui est convaincu d'être un vrai ranger de l'espace. Oui, contrairement aux autres jouets, il ne sait pas qu'il est joué. Et ça c'est fascinant du coup. Et dans Toy Story 2, en plus, il prend conscience qu'il y a d'autres jouets, une infinité de jouets qui lui ressemblent, tous fabriqués à Taïwan, en chaîne, et qui, pour le coup, eux n'ont pas conscience d'être des jouets. Lui s'est déconstruit, s'est rendu compte qu'il était un jouet, mais tous n'ont pas eu cette chance. Et Buzz l'éclair, ouais, c'est ça. Buzz l'éclair, c'est peut-être le personnage qui nous fait le plus réfléchir sur notre condition d'humain. Alors que Woody, pour le coup, c'est d'autres questionnements. De toute manière, je pense que quand on s'identifie à tel ou tel personnage, on va chercher des questionnements qui nous intéressent à certains moments de notre vie. Par exemple, aujourd'hui, je vois Rex d'une autre manière que la manière dont je le voyais quand j'étais gamin. Rex, pour le coup, c'était un personnage guignol chez moi, alors que maintenant, je vois ses névroses. Vous avez des choses à nous dire, Redouane? J'ai des cours au bras, ça me complexe. Après, je suis pareil que Redouane. Enfin, moi, la scène dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est celle où Buzz donc découvre qu'il existe en des centaines d'exemplaires et découvre ça en plus au travers d'une pub. C'est Toy Story 2. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un moment d'horreur cosmique en fait, où il est confronté à sa propre insignifiance en fait dans l'univers, quoi. Et c'est vraiment un personnage qui amène des réflexions assez profondes. Et ce qui est intelligent, c'est que c'est aussi une mise en abîme du cinéma en général, parce que toutes ces révélations autour de Buzz l'éclair convoquent aussi allègrement Star Wars avec l'empereur Zurg, qui dit à Buzz « Je suis ton père ». Il y a énormément de bruitages de Star Wars qui sont réutilisés dans ce Toy Story 2, qui initialement ne devait pas sortir au cinéma. C'est bien ça. Ouais, tout à fait. C'était une sorte de. C'était la grande époque où Disney faisait des suites de ces films qu'on appelle en direct ou vidéo. Mmh. Donc il y avait eu, je sais plus à l'époque, Tarzan 2, Le Retour de Jafar, Le Roi Lion 2, 3,5. Donc en fait, voilà, plein de films sortis comme ça. Et en fait, ils ont commencé à travailler sur Toy Story, et c'est John Lasseter et l'équipe de Pixar qui ont insisté, parce qu'ils savaient qu'ils avaient une super histoire qui était presque plus forte que celle du 1, ce qui est quand même assez dur à faire. Et ils ont réussi à le sortir, et sachant que l'anecdote en plus, si je me souviens bien, sur Toy Story 2, c'est qu'ils ont failli perdre le film. C'est-à-dire qu'un jour, il y a eu un crash chez Pixar. Le film a été effacé partout. Quelqu'un l'avait sauvegardé. Voilà, quelqu'un qui était en congé mat l'avait sur un ordi chez elle. L'héroïne. Voilà. Elle a sauvé Toy Story 2. Ce qui en dit long des conditions de travail chez Pixar, quand même. Parce que pour avoir la copie du film sur son ordinateur personnel pendant un congé maternité, ça prouve bien quand même qu'on n'est pas loin du crash chez certains employés aussi. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent chez eux. Dans la playlist de France Inter, j'ai une tendresse toute particulière pour Pomme, et le fait qu'elle soit fan de Miyazaki a absolument tout à voir avec ça. On l'écoute. Avant la rivière a séché, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias chanter. Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois. C'était les séquoias de Pomme. Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Moi, vous l'avez compris, j'adore tous les Toy Story. Mais par exemple, Toy Story 4, il y a des gens, ils n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Vers l'infini et au-delà. Ce qui faisait le sel, en fait, de la trilogie Toy Story, c'était que c'était articulé autour de l'idée du remplacement des jouets. Toy Story, ça parlait surtout de ça. Et cette thématique qui était très très présente, elle renforçait, en fait, l'identité de la bande de Woody, de Buzz l'éclair et tout ça. Et c'est pour ça qu'on les aimait. C'est par cette thématique-là. Là, très sincèrement, dans Toy Story 4, il n'y a plus rien de ça. On a le droit à une vulgaire mission de sauvetage, comme on avait eu un petit peu dans le premier. Sauf qu'à la différence du premier, il y avait l'effet de surprise. Le fait qu'on nous ressorte ça, finalement, au bout du quatrième film, bah, ça fait un petit peu de peine, quand même. T'as l'impression, quand même, de revenir 25 ans en arrière. Et je me dis que c'est là-dessus, en tout cas, que scénaristiquement, pour moi, Toy Story 4 ne fonctionne absolument pas. C'est une mise en scène qui fait le minimum syndical chez Pixar, mais ça va pas plus loin, quoi. C'est-à-dire que encore heureux que la technique soit bien. Mais je veux dire, c'est pas Brad Bird qui est derrière, et ça se sent réellement. Non, c'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi, on peut pas aller vers l'infini, c'est pas possible. En plus, il va aller au-delà. Il y a quoi au-delà de l'infini? Faut que tu prennes des cours de science, mon gars. Un mauvais moment à passer. Julie Le Baron, est-ce que, Dirty Tommy, voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne, vous pensez que le 4 a été un échec? Alors non, moi à titre personnel, je pense pas. Je pense qu'en fait, c'est peut-être le plus anecdotique des quatre, disons, parce que effectivement, il recycle un peu les thèmes du premier, même si voilà, on a quand même un thème principal qui va se distiller à travers toute la franchise. C'est celui qui effectivement est peut-être le moins original, mais je suis quand même sacrément attachée, notamment parce que il permet de conclure l'arc narratif, enfin vraiment l'histoire d'amitié entre Woody et Buzz d'une très très belle manière. Enfin, on a parlé de l'émancipation de Woody et c'est intéressant en fait de voir aussi les limites de cette émancipation, parce qu'au final, donc effectivement, il ne devient plus le simple jouet d'Andy ou de Bonnie plus tard, il se met quand même au service du bonheur des enfants et des jouets, en fait. Et l'émancipation de la bergère aussi. C'est ça, qui d'ailleurs est un personnage intéressant, parce que c'est peut-être la seule à pas réellement être un jouet à proprement parler, en fait. Elle fait partie d'une lampe avec ses moutons. Bah justement, le 4, c'est aussi l'apparition d'un concept qui donne mal à la tête quand on y réfléchit, c'est que est-ce qu'on est un jouet parce qu'on a été défini en tant que jouet dès le départ, ou est-ce que c'est parce que quelqu'un joue avec nous? Bonnie qui arrive à la petite école à peur, et donc elle se fabrique une cuirchette, et elle joue avec, et forcément ça lui donne une âme, qui lui-même se pose des questions: est-ce que je suis une cuirchette, donc c'est la fusion entre une cuillère et une fourchette, ou est-ce que je suis un jouet? Et c'est vrai que ce questionnement-là, il va largement au-delà du cadre d'un film d'animation, c'est-à-dire c'est de l'existentialisme en plein. Qu'en pensez-vous? Et exactement, on est en plein Sartre. Est-ce que l'essence précède l'existence ou l'inverse? Et c'est assez, c'est une interrogation assez vertigineuse, effectivement, ouais. Ah ouais. Et pour répondre à votre question, c'est un jouet avant tout, je pense, parce qu'il fait plaisir à une petite fille, donc a priori ça doit être un jouet, un peu plus qu'une fourchette. Non. Une cuirchette. Bon, en tout cas, c'est sans doute plus un jouet que les jouets qui sont dans vos collections de geeks dans des vitrines sous blister. Et bim, prends-toi ça. Mais Redouane, t'es là, il est extrêmement cruel. Mais oui, c'est vrai. Je suis très méchant. C'est vrai. C'est vrai que le grand méchant du 2, c'est effectivement un geek quadragénaire, voilà, qui collectionne les jouets et qui n'y joue jamais. Avec ce personnage de papy, de grand-père chercheur d'or, qui a des gaz dans sa boîte, et qui en plus est à l'origine d'une anecdote, c'est qu'à la fin de Toy Story 2, logiquement, il invitait les Barbies à une forme de promotion canapé qui ne disait pas son nom. Et en fait, ces séquences ont été expurgées parce qu'elles étaient un drôle de reflet, évidemment, de l'affaire Harvey Weinstein, mais aussi des déboires de John Lasseter, qui était mis en accusation au même moment. Ouais, et qui a été écarté de chez Pixar en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'était 2018. John Lasseter, grande figure de chez Pixar, figure ultra importante de l'histoire Toy Story parce qu'il en est à l'origine, donc du coup qui a été mis à l'écart assez récemment. Mais pour le coup, je voulais revenir sur la critique de ce youtubeur que j'adore par ailleurs, mais qui En réalité, Toy Story, c'est toujours la même histoire. C'est toujours des jouets qui sont perdus et qui cherchent à revenir à la maison. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est raconté au-delà même de cette histoire-là. Pour les deux. Pour le coup, Toy Story 4, c'est aussi apprendre à se dire au revoir. C'est d'une certaine manière... Apprendre à faire des cascades. Aussi. Avec Duke Kaboom. Et puis la mort, quoi. Oui. La mort est... ultra présente dans Toy Story 4. La mort est ultra présente. Et d'ailleurs, alors on la retrouve dans Toy Story 4, mais aussi dans Toy Story 3, dans une scène. Je vais très très souvent au cinéma, mais rarement une scène ne m'avait autant impressionné que la scène des jouets dans Toy Story 3, dans la fournaise, dans la décharge, où en fait, il y a quelque chose sur lequel on insiste peu quand on fait l'exégèse de ce film, c'est que les jouets acceptent leur disparition. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échappatoire et se donnent la main. Et ils sont prêts à mourir, c'est-à-dire que il y a quelque chose d'extrêmement cruel dans l'idée d'avoir une sorte d'ouvrier qui a servi, et tout d'un coup on l'envoie à la poubelle. Et il brûle et il l'accepte. C'était un super beau plan, moi je me rappelle en salle, et c'est là justement depuis le début on parle de la force de Pixar, mais c'est que en tant qu'adulte, moi je me souviens, j'étais accroché à mon fauteuil et j'avais les larmes qui commençaient à couler en me disant mais non. Et si on remonte à l'origine, je crois que John Lasseter avait dit à l'époque, quand j'ai été aux premières projections test, parce que les Américains font beaucoup de projections test sur leurs films, du premier Toy Story. Et il y a un moment où Buzz tombe par terre et est cassé, enfin on croit qu'il est cassé. Et en fait, il a dit, quand j'ai vu les adultes dire, ah ben non. Et en fait, je savais que ça marchait. Et en fait, sur ce plan de Toy Story 3, qui est bouleversant, et ce côté, on meurt ensemble avec cette bande. Moi, je me souviens, c'était un moment incroyable aussi. Non, je crois que la référence, ça doit être le plan final de Soleil Vert. Je pense. Parce qu'il y a à peu près la même logique. On accepte son sort. Évidemment, on connaît pas la destination de son corps au final. Mais il y a, à mon avis, ça devait être une des références de la CTR. Et c'est pour ça aussi peut-être que le 4 est moins aimé, c'est que le 3 a mis la barre tellement haut, oui. Et se terminait d'une... Mais c'est justement c'est exactement ce que je voulais vous faire dire, c'est que est-ce que c'est pas ça le problème du 4, qui pour moi reste un excellent film d'animation, bien au-dessus de la production habituelle, mais... Il y a eu le 3 avec ce final qui était tellement fort. Le fait aussi que ce soit le moment où Andy dit au revoir à ses jouets. Avec cette scène, moi je le cache pas, hein, j'ai pleuré comme jamais au cinéma quand il joue une dernière fois avec ses jouets. On voit dans les yeux de pourtant c'est un personnage fait en image de synthèse, mais on voit tout ce qu'il a vécu avec ses jouets et il les donne à Bonnie en disant j'espère que ça va te donner autant de bonheur que ça m'en a donné. Et vraiment, enfin, je sais pas comment vous avez réagi, mais c'est dit, il faut vraiment pas avoir d'âme. Non, mais en fait, cette scène, elle nous renvoie à ce qu'on vit quand on retourne chez nos parents, qu'on va dans le grenier, à un moment qu'on déballe les cartons. Et en fait, on retrouve un jouet d'enfance et d'un coup, c'est un peu l'équivalent dans Ratatouille, quand le critique culinaire mange et d'un coup, cette image de son enfance. Oui. Bah, sauf que là, c'est pas un plat, en fait, c'est toute ton enfance qui revient. Et en fait, ils ont réussi à retranscrire ça en animation, ce qui est quand même très fort. Et le moment où Andy les regarde et leur dit au revoir, il s'en va. Et puis il y a Woody qui dit salut partenaire et il démarre une nouvelle voie, enfin une nouvelle vie avec un autre enfant. C'est tellement beau. Moi, j'ai dû la voir 20 fois et je pleure à chaque fois sur cette scène. Mais moi, j'aime bien l'idée qu'il y ait eu un 4, que la saga ne se termine pas comme ça, justement, parce que ça aurait donné l'impression que la saga en réalité tournait autour de l'enfant, autour d'Andy. Oui. Alors qu'il y a une vie après Andy. Et le 4 le raconte très bien. Et pour le coup, et en plus que d'un point de vue politique, ce que ça raconte, de se dire que... Il y a un affranchissement. Ouais. Après Andy, après même qu'Andy ait détourné le regard, et ben les jouets continuent d'exister. Et ça, je trouve ça beau. Alors pour ouvrir cette troisième partie, je vous propose qu'on écoute Tyler, The Creator et Lil Wayne avec Hot Wind Blows. Gentlemen, we just landed in Geneva. Yeah, that's in Switzerland. We're on the yacht. A young lady just fed me French vanilla ice cream. We all got our toes out too. Call me when you get lost. I'ma travel the globe. You keep the block hot, driver. Open the door for me. My hair hurt. Find us. We playing hide and seek with the passports. Where the fuck we at? Oh, the pilot gotta remind us. Yeah. The luggage is piling, I need a clothes to wear. So many stinky sit in my wallet, look like a folding chair. The Cartier so light on my body, thought I floated here. We boated here, it's Tunji and Tyler, but call me Baudelaire. Yeah, out in Switzerland, travel with my bitch. She gave me kissing dog, I love when she let me rub her like Michelin. 100 grand asleep on the bird, the wings are whistling like... Man, they ain't listening. We cross the line like immigrants and benefit from it. Keep on stunting on these niggas, make them sick to their stomach, man. Y'all don't understand. Fish so fresh that you could taste the same. Yeah, we getting lost, but we know who we aim. Bada, sun, sun, sun. Treat that last part like you niggas ain't saying nothing. Yeah. You see these excursions right here? Just too lavish to post on the gram. Gangsta, greasy. Excuse me, pardon me. The wind, it blows so hard to me like Mother Nature arguing about some baby father beef. And I'm stuck in the middle of the sandwich like slaughter me. Got my middle fingers to the cameras, that's recording me from y'all to me. Brrr. Stop calling me unless you're ordering. I'm on the beach, I got my feet out. And I stay on my feet, the corner beat, I'm on a deep route. Just throw the ball at me, thought all this lean would have me see now. I guess they see now, that's touchdown. Catch a beat down like I catch touchdowns. I fuck around and slow the beat down and take the drums out. The speed of my blood, I'm so greedy, I'ma eat my own flow. And I'm in need of a flaw, I'ma eat me a rapper, I might as well eat me a hoe. Oh. I'm hot as hell when the weather is freezing the cold. As a devil, a demon, and ghost. I'ma get even to even get even some more. It's too late to even get low. Bow, wolf gang, that's what I need you to know. Moonlight, Weezy the goat. The wind beneath my wings, desert eagle underneath my coat. Yeah. Moolah. Bitch. Hard wings. Over here admiring the view of the mountains from the lake. Of course. Y'all know it's Wolf Haley, man. Stop fucking playing. C'était Tyler the Creator et Lil Wayne dans Blockbuster sur France Inter. Un visiteur venu d'ailleurs. Salutations, je suis Buzz l'éclair et je viens en paix. C'est une urgence intergalactique. Je dois détourner votre vaisseau vers le secteur 9. Qui est votre commandant ? Le grappin. Le grappin est notre maître. Il choisit ceux qui s'en vont et ceux qui restent. Oh, c'est vraiment grotesque. Oh non ! C'est pas ça ! Vide ! À terre ! Qu'est-ce qu'il y a, shérif ? Toi seul qui nous a fourrés dans ce putain. Le grappin, il bouge. Le grappin m'a choisi. Adieu, mes amis. Je vous quitte pour un monde meilleur. Je te tire. Et oui, Sid, qui dans les opus suivants va devenir éboueur. En fait, il continue son entreprise de destruction des jouets, mais cette fois-ci payé par les services publics. J'aimerais justement qu'on parle des seconds rôles qui sont apparus dans cette saga, Julie Le Baron. Là, on a entendu les fameux martiens, voilà, qui sont dans cette machine à pinces. Ils considèrent le grappin comme leur dieu, quoi. Et voilà, c'est une idée de génie. Mais il y a aussi Barbie. Qui fait son apparition dès Toy Story 2, alors qu'initialement, Mattel n'était pas forcément d'accord pour que Barbie participe à Toy Story, parce qu'il fallait lui donner une voix, et ils imaginaient que si jamais Barbie avait une voix, bah les petites filles ne s'identifieraient pas au personnage. Mais comment vous avez perçu l'évolution de Barbie dans la saga Toy Story? Bah c'est vrai que j'étais assez surprise même à l'époque en fait de voir Barbie comme ça sous une autre facette. C'est même assez étonnant en fait que Mattel ait donné l'autorisation, parce que elle a un côté très éloigné. En fait, c'est vraiment comment dire, on est loin de la surface très lisse sur laquelle n'importe quel enfant pouvait projeter. Là, elle a une incarnation, elle a un caractère, elle a des répliques assez cinglantes en fait pendant tout le film, quoi. C'est vraiment un personnage secondaire que j'ai bien aimé. C'est très difficile en fait de sélectionner un personnage secondaire qu'on préfère. Enfin, on a eu ce souci tout à l'heure en fait, parce que tous amènent quelque chose à leur manière, soit vont un peu chambouler des stéréotypes. Oui. Jessie, bien sûr. Ouais, qui est claustrophobe, et on ne pas retourner dans la boîte. C'est ça, et puis en parlant de scènes qui font pleurer, moi dans le 2, effectivement, tout le moment où en fait sa propriétaire la délaisse, j'en tremble encore, enfin j'ai encore la voix qui en tremble, quoi. C'est... Mais d'ailleurs, il y a un portrait un petit peu cruel en filigrane des enfants qui apparaît sur les quatre numéros. Parce que voilà, dès que le jouet, dès qu'on a grandi, dès que le jouet ne nous sert plus, on s'en débarrasse. Il y a quelque chose, du coup, quand on regarde les Toy Story, on se dit, et qu'on a des enfants, on se dit, lui, le lâche pas comme ça, traite-le mieux. Ça nous renvoie à notre propre ingratitude, en fait. C'est vraiment ça, en fait, finalement, la saga Toy Story, elle parle de tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, mais au final, ça nous renvoie à nous-mêmes et de se dire, celui qui a été le compagnon le plus fidèle de toute ma vie, qui m'a jamais rien demandé, qui a toujours été là, je le fous à la poubelle. Et donc, en fait, faut s'interroger sur soi-même beaucoup après avoir vu Toy Story. On est dans le rôle du grand capital. Oui, bah oui, il y a vraiment cette critique du fétichisme de la marchandise, vraiment, quoi. Comme quoi, l'accumulation de biens pourrait nous aider à trouver une certaine forme de bonheur ou de bien-être, quoi. Là, il y a vraiment ce truc. On voit qu'effectivement, les enfants ont tendance à procéder à une sorte de hiérarchisation de leurs jouets, quitte à délaisser les autres. Et ça montre aussi à quel point on a tendance à toujours vouloir de la nouveauté, toujours le nouveau jouet flambant neuf qui va mieux stimuler notre imagination, quoi. Et ça rend ces jouets aussi encore plus attachants parce que eux, ils sont dans un... Ils se donnent totalement. Voilà. En fait, il y a à la fois leur fonction de jouet, mais même quand ils ont compris leur fonction de jouet, ils savent qu'ils sont là pour le bonheur d'un enfant. Et donc, en fait, c'est extrêmement touchant et ça l'est encore plus à la fin. On parlait du 4 quand Woody a enfin la chance de pouvoir vivre pour lui. Et donc en fait voilà ça nourrit aussi cet arc finalement Buzz l'éclair voilà je sais que tu l'aimes beaucoup et je l'aime beaucoup aussi mais il a pas un arc très marqué à partir du moment où il a compris qu'il est un jouet bon bah voilà ça roule et il devient un peu le lieutenant et celui qui mène la troupe avec Woody mais Woody il a vraiment un arc très intéressant et voilà je me donne totalement et puis au bout d'un moment voilà j'accepte de vivre pour moi et c'est assez touchant. Et parmi les seconds rôles chers à mon cœur, il y a évidemment Ken dans Toy Story 3, qui fait visiter sa penderie pleine de tenues vintage à Barbie, qui le torture en les déchirant les unes après les autres. Ça, pareil, c'est aussi le savoir-faire des scénaristes de Toy Story, de pouvoir rendre attachant un personnage comme Ken, qui logiquement part quand même battu d'avance. Ah bah, a priori, il y a pas plus lisse que Ken, et là, il arrive à nous émouvoir. Donc oui, c'est comme un tour de force. Ouais. Mais c'est ce que je trouve fantastique avec le personnage de Ken, c'est que ses jouets sont à la fois ce qu'on attend d'eux, donc il est à la fois Ken, dans cette obsession pour son intérieur, ses vêtements, etc. Mais il est aussi toute une part de personnalité qui lui est propre et qui lui est... Et c'est pour ça que je pense que le problème de Barbie et de Mattel ne se pose pas, parce que quand on voit Barbie dans Toy Story, c'est la Barbie de Toy Story. C'est pas notre Barbie à nous. Et c'est ça qui est surtout fascinant. Pas votre Barbie à vous, Redouane. Eh bien, écoutez. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah oui. Mais en l'occurrence, pour le coup, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est fascinant avec ces petits jouets, c'est qu'ils ont leur personnalité tout en étant rattachés aussi et très tenus par des carcans, leurs conditions. Donc, Buzz l'éclair est un ranger de l'espace, les G.I. Joe, donc les petits soldats verts, sont des soldats avant tout, même s'ils ont leur personnalité et leur manière de faire. Et c'est ça qui est assez fascinant. Et c'est vrai que la surprise, est, par exemple dans Toy Story 3 avec le nounours Lotso, oui, Lotso, qui est normalement une apparence de nounours rose tout doux, ou Big Baby qui l'accompagne, son acolyte, et en fait ils sont terrifiants. Quand on voyait les bandes-annonces, on se disait tiens, ils ont l'air sympas les nouveaux jouets. Pas du tout, pas du tout. Et en fait ils arrivent à chaque fois à twister, c'est-à-dire qu'ils prennent le cadre d'un jouet et en même temps ils insufflent un côté extrêmement surprenant. Et en fait c'est vraiment l'amertume qui notamment a transformé ces jouets en version maléfique d'eux-mêmes. C'est l'amertume de l'abandon, l'amertume de faire partie d'un système où tout d'un coup on les amène dans une crèche et ils sont maltraités par des jouets et des enfants qui sont trop jeunes pour savoir bien les traiter et les respecter. Il y a tout ça aussi. Ouais. C'est là où le numéro 3 est vraiment un tour de force, c'est-à-dire que on parlait de la société de consommation, là en fait elle se retourne. Oui. Elle se retourne et on a la révolte des proscrits, quoi, en fait, en gros, hein, si je pousse un tout petit peu le parallèle avec la politique, mais c'est là où il y a vraiment un coup de génie dans le numéro 3 à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs un film d'évasion, vous le disiez hors antenne. Oui, exactement, avec les vrais codes de l'évasion, c'est-à-dire on met au point un plan pendant longtemps, on l'exécute de façon admirable. En plus, on n'essaie pas de nous prendre pour des idiots comme dans Ocean Eleven où le truc est bâclé. C'est un vrai film d'évasion à la grande évasion. Bon, non, non, on est quand même assez bluffé, quoi. On nous ment jamais, on nous prend jamais pour des imbéciles en plus dans cette tétralogie. Et que penser de ce projet futur autour de Buzz l'éclair, où cette fois-ci le personnage sera doublé par Chris Evans? Est-ce que on est vraiment dans une exploitation de licence ou dans un projet qui peut être aussi intéressant scénaristiquement que l'ont été les quatre premiers? Bah déjà, faut expliquer que c'est plus Toy Story. Là, en l'occurrence, le film Buzz l'éclair qui a priori devrait sortir dans un an. C'est un film sur l'histoire du personnage Buzz, qui ont donc inspiré ces jouets. Donc c'est un ranger de l'espace, et on va le voir dans sa fonction de ranger de l'espace. On va plus du tout voir les jouets. Oui. Donc pour moi, c'est un autre film. C'est un film développé par Disney et Pixar, peut-être, mais c'est un autre film. Ça n'a plus rien à voir avec Toy Story. Mais la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est intéressant de raconter ça de Buzz, finalement? C'est-à-dire que au moment où on le découvre dans Toy Story 1, où il ne sait pas encore qu'il est un jouet, c'est pas un personnage ultra fascinant, c'est-à-dire qu'il a une mission et il l'accomplit. Donc comment ils vont arriver à insuffler de la surprise là-dedans et justement différents niveaux de lecture, ça va être une vraie question et un vrai tour de force scénaristique, je pense. Eh bien, nous verrons. C'est la fin de cette émission. Julie Le Baron, Johan Sardet, Vincent Garnier, Edouard Tella, merci. J'espère que ça a donné aux auditeurs l'envie de découvrir Toy Story. Mais regarder Toy Story. Ou même de revoir Toy Story. Cette émission a été réalisée par Céline Hila. Elle a été préparée par Manon Rax, Cyril Marchand et nos stagiaires Robinson Radonac et Véronica Meyer. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec moi avec le hashtag BlockbusterEFI. Hey les gars! Pourquoi les jouets traversent la route? Pas maintenant. Oh, j'adore les devinettes. Pourquoi? Pour rejoindre le poulet du trottoir d'en face. Le poulet. Oui. Bon ben, tant pis. Demain dans Blockbuster, une chanteuse qui a écrit Ma France à moi. Marine. L'honneur d'un peuple. Mais qui pourtant ne travaille pas pour CNews. Une artiste qui a écrit une chanson en hommage à la carrière politique de Marlène Schiappa. La Boulette. Une rappeuse qui n'a pas attendu la vaccination pour en avoir sa dose. Demain, on parle de Diams. France Inter.